dans un bar à Manhattan. J'ai perdu mon âme dans un bordel à Sydney. J'ai négocié et consommé. Femme, femme du monde, femme, femme du monde, je vous aime. Femme, femme du monde, femme, femme du monde, je vous aime. Sur les trottoirs de Rio, j'ai failli laisser ma peau. D'une boîte de nuit à Athènes, j'ai rencontré une petite reine. Dans un hôtel à Berlin, j'ai craché mon venin. Femme, femme du monde, femme, femme du monde, je vous aime. Femme, femme du monde, femme, femme du monde, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Femme du monde, femme, femme du monde.